Des quatre coins du monde entier, nous venons. Suivant la même direction, nous allons. Au bout du tunnel, nous voulons tous y arriver. Malheureusement, en cours de chemin, certains abandonnent et d'autres meurent sans jamais y arriver. Jeune reggae man, besoin d'être seul. Juste le moment de méditer sur mon sang et trouver quel est le chemin qui me correspond. Le micro dans la main, prêtez attention. Captez le message et faites-le circuler jusqu'au fond du ghetto. Jeunesse, c'est très facile de réaliser ce dont tu crois que tu ne peux pas. Creusez et fouillez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Jeunesse, c'est très facile de réaliser ce dont tu crois que tu ne peux pas. Creusez et fouillez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Jeunesse. Semble-t-il que vous avez oublié les recommandations de Marc Désiré. Creuser, tu ne l'as pas fait. Fouiller, tu ne l'as pas fait. Assis les bras croisés, tu ne parviendras jamais. Ne croyez pas ne pas pouvoir sans avoir essayé. Éloignez-vous de la mauvaise compagnie. La vie est très facile et nombreux sont ceux qui vont vouloir vous la rendre difficile. Alors n'ayez pas peur de faire face, face à votre destinée. Jeunesse de la mémoire. Jeunesse de Pocamezo. Jaja children, Jaja children, we are the soldier. Jaja children, Jaja children, we are the soldier. Jeunesse African, jeunesse européenne, jeunesse américaine, jeunesse de l'univers. Jeunesse, c'est très facile de réaliser ce dont tu crois que tu ne peux pas. Creuser et fouiller, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Jeunesse, c'est très facile de réaliser ce dont tu crois que tu ne peux pas. Creuser et fouiller, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Jeunesse. Je parle juste en connaissance de cause. Frangins et frangines, jeunes combattants, après la mort, nous avons tout le temps pour nous reposer. Espoir fait vivre. Il faudra donc en profiter de cette vie qui demeure à jamais un combat. Creusez et fouillez, car dans nos esprits, chaque leçon élargit le processus de réflexion. Ah ouais. Et au fil du temps, nous développons des compétences en résolution des problèmes qui nous sont universellement applicables. Ah oui. Jeunesse, c'est très facile de réaliser ce dont tu crois que tu ne peux pas. Creusez et fouillez, ne laissez nulle place, tout la main ne passe et repasse. Jeunesse, c'est très facile de réaliser ce dont tu crois que tu ne peux pas.